Ouais, c'est Nels. Alors, sauce, t'en es où là? Voilà, j'y suis là. Bon, vas-y, rappelle-moi plus tard. Okay. Ici, c'est Zézo. Nels, mille caillasses pour tout faire des os. Un son infamant comme les os de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici, c'est Zézo. Zézo, Nels, mille caillasses pour tout faire des os. Un son infamant comme les os de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici, c'est Zézo. Là, c'est coriace pour une putain d'introduction. Laisse-moi faire mon taf, faut que je prenne la pole position. J'tire une grosse taf et améliore ma composition. Mais la concurrence hors compétition. Dissident, je représente. Mes deux sauts sont présents. Tout niqué pour le futur, c'est ce que je fais à présent. Mon armature, un piste de rime pour seule culture. Pas de rature, jure sur ma vie, sur mon écriture. Mon style laisse des traces comme la voie lactée. C'est le premier acté, vois comme je suis décontracté. Branche ton détecteur, y'a des sauts dans le secteur. T'aimes pas, t'as tort, prie ton dieu, ton protecteur. J'fume les go trip, passe le mégot de split. J'sais que tu kiffes quand j'rappe, même si j'suis foncé comme cliff. Dans les feux de l'amour et même si tu fais de la merde, que tu fais dans le style glamour, tu sais comment je me démerde. Un jour une coupe de diamants et lendemain tu jetteras des pierres. Si t'as pas le mort dans le rap, mec, pour toi sera sévère. On te mettra en tête comme celui qui a pris tel commissaire et bien viscère. P38, moi c'est le préfet, tu préfères. Y'a pas de gros label derrière moi du style polygramme. Au programme c'est Nelby, écoute les rimes au kilogramme. Vends pas la cam, d'ailleurs si je le fais c'est sans remords. Bouche oreille, sans promo, fais du braque magma pour sponsor. Ici c'est des os, Nesbill Koyas pour tout faire tes sons. Un son infamable comme les os de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici c'est des sons. C'est son, Nesbill Koyas pour tout faire tes sons. Un son infamable comme les os de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici c'est des sons. J'abats une nouvelle technique d'infiltration. Ramènera pour plus, tu m'as flammé ma tête en ébullition. J'vois les MC chaler sur le mur des lamentations. Tu passes pas. À moi t'as plein un bon coup de pression. Toujours les mêmes têtes d'affiche. Confort couverture d'affiche. Faut que je sois couplé, du moins exploser les ventes, mais on s'en fiche. D'ailleurs c'est pas ça qui fait nous des riches. On se fait plaisir, mon sang, je peux pas travestir malgré tes bâches. Assise de la balle au pied, rationnel pour les faire galoper. S'ils ont pas chopé, dernier sauce, faut que c'est salopé. Mec c'est ça la pas, v'là du bon son pour ceux qui l'a pas. Faut pas zapper, quand on avance gros c'est pas à pas. J'sais que c'est pas sympa, d'écouter un flow très peu simple. C'est que ça peut s'appeler, freestyle de fou et en tout cas s'appeler. C'est son suspect usuel, sur scène on dit très visuel ou assassin. Textuel, pas de rap d'homosexuel. Y'a pas d'histoire d'arma, chakra, karma, Marie mon arma. Disposition, pour que tu te mettes au format. J'suis informé, j'nique la France comme méga d'idée. Analyse, et vois en bas de mes textes, y'a pas de paix. S'te plaît, parce qu'y'a pas besoin d'en rajouter. Dis-toi en un couplet, histoire que l'MC soit bien dégoûté. J'suis fouteur de merde sur fond musical. Surfeur lyrical, le flow de la vague s'abat. L'ennemi devient amical. Ici c'est des os, Nesbill Koyas pour tout faire tes os. Un son inflammable comme les sens de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici c'est des os. C'est os, Nesbill Koyas pour tout faire tes os. Un son inflammable comme les sens de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici c'est des os. C'est os, magma 2000 pour tout faire tes os. Un son inflammable comme les sens de chez Ezo. Quand mon empire contre-attaque, tu les vois tous ce vaisseau. Vaisseau, dis-toi bien qu'ici c'est des os. Alors, tu l'as posé la bombe ou quoi? Ah t'inquiète Ness, vas-y pose dans le rayon rap.